une volonté d'avancer dans un rythme accordé. Il est temps de visiter les montagnes, une école supportable. C'est un ami qui nous tient la main pour que s'écrivent nos chemins. Une vie. Et si c'est dur, donne-moi le signe, le signal, car tu mérites. Tu mérites une aide dans tes chemins difficiles et aussi beaucoup de récompenses pour te gâter de toutes ces réussites auxquelles nous accordons une joie, que nous nous réjouissons de nos réussites. Car elles nous ont demandé beaucoup parfois, beaucoup d'efforts, encouragement, applaudissements, camaraderie, n'avoir peur de rien, dépasser nos doutes et nos peurs, rire. Transmuter ce que nous vivons en joie, en situation burlesque, écrire un joli livre de nos vies, les unes après les autres, une aide, une main, une aide, une main, plusieurs mains se rejoignent. Sentir les énormes montagnes se dresser sur la cime des terres lointaines menant vers les couleurs orangées, atteindre en haut la félicité et l'insouciance et le courage. Et dans l'humour, dépasser, s'initier au chemin, chemin, chemin. Avec le temps, l'envie de vivre, ce qui rend la vie moins monotone. Se dresse, c'est alors l'amour qui nous reste pour partager nos instants de rencontre qui sont une chance, jette un flux, la confiance que ces paysages subtils. Créateur magicien, rends hommage, je rends hommage. Oh, ces tableaux superbes qui nous dessinent. Ils nous dessinent ces tranches. Un monde fait d'insalubrité parfois, où l'on comprend l'autre monde, cette porte entrouverte sur des peut-être. Allons-nous écrire une ligne ensemble, peut-être? Est-ce mon ami? tête de sa plume, ou de notre ami plus rapide, plus burlesque, plus rocambolesque. Une deuxième porte sera un monde spécial. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Pourquoi, comment tu vas ou tu ne vas pas. Tes choix sont protégés de ton nom. Un oiseau se dresse au-dessus de ton choix qui t'observe. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul, sache. Jamais seul. Il y a plein de mecs.